reprimiram com muita força o desejo de paz, chegamos a um entendimento político. Hoje à tarde serão rubricados os primeiros documentos sobre um acordo político geral. Não significa ainda isto que a guerra vai cessar imediatamente, mas passos seguintes serão dados para que, a partir do mês de maio, portanto, deste mês de maio, possamos ainda alcançar uma cessação das hostilidades. Un désir de paix vient d'être exprimé ici avec beaucoup de force. Nous sommes arrivés à comprendre les désirs politiques de chacun. Cet après-midi, les premiers documents sur l'accord de politique générale seront signés. Cela ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Les négociations vont néanmoins continuer jusqu'à la fin des hostilités. Jonas Savimbi, leader de l'UNITA, réagit aux mêmes accords d'Estoril dans l'émission Arrêt sur image de France Culture.